Le morceau s'appelle Validé. Validé avec Ritza et Axel Tonnier. On a eu l'occasion de l'écouter hier en live. On a même débuté le Planète Rap avec eux. Ils étaient en direct dans l'émission. C'est d'ailleurs ça. Les vidéos sont dispo, c'est sur le skyrock.fm. Exactement. Planetrap.skyrock.com pour le rattrapage aussi et retrouver les vidéos, les lives avec Axel Tonnier hier, Ritza hier soir dans l'émission. Et évidemment DJ Case et le morceau Validé qu'on écoutait qui est extrait de Paris Orange New York. C'est ça. Petite présentation Case avant de passer vite au live parce que je crois que d'entrée de jeu on va aller au live. Ouais, on va mettre de la musique là toute la semaine. Donc ceux qui viennent tous les soirs. Voilà. J'ai envie de dire c'est les invités récurrents. C'est ça. Tous les soirs, bah là en fait on tous les jours on va donner le micro à des artistes différents. Mais là je te parle de ceux qui sont là. Case, je sais que le soleil est tapé fort. C'était compliqué, mais mets un peu du tien, s'il te plaît. Non, je disais ceux qui sont là chaque soir, je reconnais comme des vigiles. J'ai envie de boire de l'eau, mais je peux pas. Ouais, c'est vrai. Désolé, en plus, moi je suis là, bien posé. Le mec, excuse-moi. Tu disais, Case ? On va faire le tour de table. Dans notre, à ma droite, il y a Isno qui était là hier. Isno, voilà. L'artiste. Donc il était bien là hier et il est là ce soir de retour. C'est ça. Celui qui ambiance. C'est l'ambianceur. L'ambianceur. Aïe. Voire même par Orléans parfois aussi. Aussi, la même chose. Donc Isno, il s'appelle Isno. Il va même nous faire la version française tout à l'heure de Cheerleader, Omi. Donc pendant le live, donc restez connectés. Et bon, on découvrira ça tout à l'heure. Voilà. Et donc ceux qui sont aussi de retour, parce qu'ils n'étaient pas hier soir aussi. Ils étaient là hier soir, voilà. Mais ouais, j'ai bien compris. Ils étaient privés du micro. Ils étaient punis. Ouais, ils étaient un peu punis, c'est vrai. Ce soir, c'est place à la jeunesse. Arrête avec tes photos, les mecs. Ils arrêtent pas de t'embrouiller avec des photos, ils font des vidéos en permanence. Et donc présente-nous, Case. Bien sûr, ils s'appellent Farid et Oussama. Ils sont connus sur la toile avec leurs vidéos. Aussi, Atos. Atos, voilà. Ils ont fait leur musique Atos. Et ils sont présents sur mon album avec un titre qui s'appelle Mariage dérangé. Ouais. Yes. Exactement. Ça va bien, messieurs? Ouais, tranquille. Hein. Tout se passe bien en forme. Comme vous avez le droit de parler ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Que notre album est en précommande sur iTunes. Toz Life, c'est pas mal. Ouais. C'est un bon début. Et que c'est le ramadan. D'accord. Bon ramadan à tous et voilà. Bon ramadan à tous. Mmh. Bah bon ramadan, c'est à quelle heure ce soir? 22h, Momo. Ça bouge pas. Confirme. Ah, Momo, c'est ça. Hein. Et bah bon courage à vous tous pour les 2 heures qui restent. Après, c'est vrai que ça va être dur là, hein, parce que la canicule et tout. Ah oui, franchement, c'est rude. Dans un instant, il y aura aussi des questions par téléphone. On présentera d'autres invités qui sont là dans le studio. Mm-hmm. Mais Case, on attaque tout de suite avec un petit peu de live. Bah, il est 20h pile, on y va. Dans une heure, ce sera 10 fois de la radio libre à pas louper sur Skyrock. Et on attaque d'entrée de jeu avec une session live. Case est au platine. Isno, c'est toi qui nous ambiance tout ça? C'est moi. Allez, coup d'envoi au quand rendez-vous. Vous voulez, messieurs, pour ce plein de vous réagissez aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais avec le hashtag DJ Case sur Skyrock. Sur Skyrock. Case, on est bon? Oui, enfin non. Isno, vas-y, ambiance un peu parce que. Vous savez qu'il fait chaud. On a perdu Case là. Depuis Case arrive. Case arrive. Attention. Ouais, je suis Samoa, ça dit quoi? Tu vas où c'était? Ça dit là, frère. Toi, moi, je vais au Maroc. Hein. Toi, tu vas où? Ah ouais, moi, je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là, y'a un deuxième problème. Et la famille. Pour l'essence. Ah ouais, mais c'est la haze, gros, j'ai 10 euros. Quoi? D'accord, Paris ou New York, DJ Case, ici sur Skyrock. J'oublie pas mes racines. Algérien, j'ai le drapeau facile. Montez le son, montez le son, la famille. DJ Case, Paris, Oran, New York. En live, en direct sur Skyrock. DJ Case. Alors je danse sur du Kanye Lele. Les soucis, les problèmes, je ne veux pas les calculer. Ne t'inquiète pas pour ma bébé, ça va aller. Just a record, on est dans la place. Appelle-moi IZN au 45, j'ai ambiance. Validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. DJ Case, certifié meilleur DJ de France. Des Marocains, elle s'appelle Inde. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Mais qu'est-ce que tu crois là? Je vais faire des mieux, tu en veux, tu en voilà. DJ Case, bordélique avant l'air. Attendez, il arrive. Laisse-moi profiter de la soirée. Je pète partie de gauche, me casse en moto. On va tous te choquer. Je sais même pas si mes potes sont bloqués. Tous les numéros sont notés. Dans une nouvelle taille, jamais sans la folie. DJ Kay. C'est à qui la faute? T'as sorti l'eau, dit le Merco. Ils ont dit tu tapes dans la coupe. Quand tu veux monter la falaise, les jaloux tirent sur la corde. Ils veulent parler, laissez parler. Fais ton bénéfice, on est d'accord. Blablabla, combien de tes deux veulent être à ta place? crois que t'as tout, mais en fait t'as rien. Laissez les fabuler comme des tatas. La guerre est dans le t'as des atouts. Écramé partout, y'a des tas de rapaces. Avec les moyens, on arrive à tout. Même s'ils pensent qu'on est intrapable. Verser les gros pas sur eux pour faire ta place au soleil. T'as du grip, les oreilles qui sifflent, même plongé dans ton sommeil. Laisse parler. Ils vont brûler un mois de salaire. C'est à cause de boules de bad pas ça pas de rêve. Salam. Pile comme une étoile BEP. Ça avance. Chaque époque, époque et pays, pays, pour finir l'époque des guerres. Parce qu'époque visio au platine, y'a gay. Prêt en chant, on entend la fin. Comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le pas qui glisse, c'est trop mille mots. J'suis à déguster, j'suis à croquer. Chaud à l'intérieur, appelle-moi le. Suis nous sur la piste, c'est ça me tête. Des petits pas, un petit cercle en dessous de la boule à facette. Jamais sous-tease avec mes yeux de shiny. Cherche pas la kiffin dans le ghetto, c'est la police. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je dans l'ambiance. Diesel, mon copé, Justin Record. Paris, Oran, New York. Cherche-la, cherche-la et trouve-la. Y'a même des gens jaloux, et je profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui pensent jusqu'au bout de la night. Parfois, t'as pas l'envie de sortir t'amuser, mais tes bottes t'engrènent. Alors, tu te laisses tenter, et tu sais dorénavant. Mais pas Diesel. Ça vaut le coup, donc tu t'emballes pas, ambiance caliente. Oh, tu peux même te mettre à lâcher de trois petits pas de salsa. Beaucoup trop nostalgique. Big up, Lux, Villa et VLG. Trop style, trop de classe, c'est la seule classe. J'ai sorti le 3 quarts, il est sous le bras. Je suis avec tout le bon gars, Rachid, Villeneuve. J'ai emporté, j'ai la hookah. Demain, je m'arrête pas comme AP et Rimka. Et de pas scris, vas-y, lâche les décibels. On est là, on bouge pas comme le visage d'un parrain. Aïe, j'suis dans le club. Y'a des sons que j'kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la base, la fun, c'est pas ma carte. J'essaie de suivre le mouvement. J'me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens jaloux. Du monde est dans les studios, la famille. Du monde est dans les studios. Paris, Oran, New York. Et le projet, c'est Paris, Oran, New York. Aïe, aïe, aïe. Avec DJ K, Iso Control, Isno, qui était à l'ambiance session à l'instant. C'est ça. Session... Isno, il est trop chaud en ambiance. Ah, il est chaud, Isno. Il est trop chaud. Il est genoux. Il est genoux. Autre chose, tu veux dire Isno? Non, c'est bon. Ok, n'hésite pas. On dirait t'oublies de parler de nous, on dirait. T'as dit Isno, OK, sauf nous. Bah, parce que je vous ai pas entendu beaucoup ambiancer à part dire mariage arrangé une fois de temps en temps. Mariage dérangé, pardon, en l'occurrence. Au calme, au calme, au calme. Non, il faut dire quoi alors sur vous? Non, rien pour l'instant. D'accord. À part que l'album Tozaf est disponible sur iTunes. Vous allez retourner au coin comme hier, les gars. Au calme, au calme. Bon, Case, à l'instant, peut-être qu'on va présenter aussi les gens qui nous ont rejoints pendant ce mix. Les gens qui seront présents à l'antenne d'ici quelques minutes et il y aura du live. Bien sûr, il y a Fianso qui est venu nous rejoindre là. Il est là. On prend un petit micro. Ça va l'équipe, bien ça quoi. Ça va et toi? Tranquille. Ça va. Les gars, bien, tranquille. Ouais, il y a mes gars de OR qui sont là. Bah justement, l'équipe de OR, ils sont où les frangins? Ils sont où les frangins? Ils sont là, venez, venez, venez, dites un mot. Vous avez qu'à vous cacher. Il n'y a pas qu'un mot à dire là, ils ont plein de mots. Il y a 36 mots. C'est OR, DJ Kyle sur Skyrock, hashtag OR sur Skyrock, on est là pour le planète rap. On soutient le projet du frère Paris Oran New York 2015, on est là. Allez le pécho, il est toujours disponible. Vous étiez venu d'ailleurs durant cette saison aussi sur les rails suprêmes avec DJ Case. Ouais. Ça va bien pour les frangins, pour OR? Ouais, ça va, tout va bien. Les cours finis? Ouais, les cours. Fini. Rien? Vous pouvez nous écouter juste après. Ça y est, c'est les vacances, Mima. C'est les vacances. Et là, c'est Farid Oussama, c'est ça? Ouais. Voilà, qui assure la première partie du Planète Rap. Et juste après, ce sera OR avec Fianso, toujours là pour ses petits gars. On monte la compil en l'air, c'est DJ Case disponible, mon pote, c'est iTunes, c'est partout, c'est la Max, c'est la plage, c'est la cité, c'est tout part, mon frère. Eh ben, ça en jette. Voilà. Et bah bienvenue aussi au R qui seront présents d'ici quelques minutes sur Skyrock. Case, tu entends, il y avait une petite question pour toi par téléphone. Attends, aussi, on Rachid, est avec Inès d'Avignon. Salut Inès. Allô Inès. Oui. Salut Inès. Ça va, qu'est-ce qui se passe Inès? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment, qu'est-ce qui se passe? Comment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu es en direct à l'antenne, Inès. Oui. Et alors, ça va? Ben, ça va, et vous, comment ça va? Nous aussi, on va bien. Est-ce que tu as récupéré Paréor en New York, Inès? Oui, mais j'ai pas le CD, il va falloir me l'offrir. Ah bon, tu l'as la récupéré ou pas? Tu as récupéré quoi, en téléchargement illégal? Non, sur iTunes. Ah, ah bah voilà, mal, mais tu veux le CD, tu aimes bien l'objet aussi, Inès. C'est vrai qu'on rappelle que sur iTunes, c'est à 7,99€ et dans les bacs à 10€. Donc, 10€ pour... Ceux qui ont une voiture, le CD, et ceux qui... C'est qu'elle lui, bah voilà, dès que j'ai le permis, je le mettrai dans ma voiture pour bah parfait, tu prends de l'avance, Inès, parfait. Bon, quelle est ta question pour DJ Kate, on t'écoute. Alors, je voulais savoir s'il compte retravailler avec Jules ou pas. Jules, ouais, grand plaisir. C'est vrai que l'année dernière, on avait fait un titre fidèle à ma team. Bah, il faut aussi rappeler que Jules, c'était un des premiers aussi à m'en parler de Jules. Oui, je c'est me vrai. Souviens de Jules. C'était en décembre 2013. On l'avait ramené. À chaque fois, tu me disais, ouais, il y a Jules, il va exploser, il va tout exploser. Vrai. C'est vrai. Et bon, on peut dire que bonne oreille, hein, parce que c'est quoi maintenant, avec 4 albums sortis, je crois 400 000 albums en tout vendus. C'est ça, ouais. C'est un véritable carton hein, pour Jules. C'est ça, ouais, je suis très content pour lui et son équipe. Et c'est vrai qu'on l'avait découvert via son manager qui est décédé, donc à son âme. Et voilà, était venu, on l'avait invité, donc la première fois qu'il est venu dans une radio, c'était à Rail Suprême, on l'avait invité et il avait ambiancé, puis on avait fait un titre ensemble, et de là maintenant, après il a fait son chemin tout seul, il a enchaîné, et je pense qu'on se retrouvera et que peut-être dans les studios ou dans une prochaine collaboration, pourquoi pas. En là tout cas, pour l'instant rien de prévu, mais peut-être. Pour le moment rien de prévu, mais peut-être, ouais. Plein de surprises. En même temps, qui arrive, il est tellement, le mec bosse tellement tout le temps. Voilà, ouais, le mec qui bosse tellement. Il a déjà 200 morceaux d'avance. C'est ça. Gros big up à la ville de Marseille, Liga One Industries et Jules. Voilà, on les dédicace parce qu'ils ont été là pour le projet de l'année dernière. Donc, on leur souhaite une bonne continuation. Ça te va, Inès, comme réponse? Ou sinon, oui, tu peux être remboursé par DJ Kays. Hein. Non, ça va, tout va bien? Non, c'est bon, il a bien répondu. Ah, c'est bon, va, il non. a bien répondu. Ah ouais, avec le bon accent. Si t'as bien répondu, c'est bon, Kays. Oui, bon, on te fait un bisou, Inès, en tout cas. Ouais, ben merci, et bon ramadan à tous, et voilà. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Bisous à Inès, ciao, passe une bonne soirée. Ciao, on va revenir dans un instant, Kays. Alors, yes. Donc, ce sera avec OR aussi dans un instant. Ah oui, il y a OR, il y a Isno, il y a Farid Oussama, il y a d'autres invités encore qui vont venir. Yes. Ouais. Farid Oussama, un truc à déclarer avant la pub. Ouais. Voilà. Non, mais d'habitude, ils sortent des blagues, ils font des vidéos, et là, ils sont tout sages. À chaque fois, je les invite, ils sont tout sages. Alors que sur Internet, tu les vois, c'est le jour et la nuit. Ah ouais, c'est vrai que t'as raison. Je comprends pas, moi. Une petite blague à nous raconter, un truc? Non, franchement, ah, pour l'instant, rien. C'est la hesse, voilà. La hesse, ramadan à la fin. Ah bah voilà, c'est déjà une blague. Ah, c'est pour ça, bougez pas dans un instant, on revient avec d'autres blagues et d'autres sons, surtout pour le projet Paris Oran New York. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Kays pendant une heure complète ce soir. Planet Rap DJ Kays. Je voudrais me s'excuser, je fais un bitches. Un acheriki, j'ai pris un cheese. Et ce soir, on va s'asseoir. C'est DJ Kays et Mister You. De Paris au Roller Q. De Marrakech à Bollywood. Casanegra, Brésil de Who. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage, quitte la terre. Je rejoins l'espace, c'est le Game Boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Master, si je suis sur la piste, nos platines, c'est DJ Kays. Sur la fiotre, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aïcha Andisha. Je mange un temps d'ouride. Ah ouais, je repense à Paris, à ce vieux temps pourri. Je me fais masser, je fais bronzer tout l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, on parle à ma montre. ce soir chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les pussiers, je l'appelle à poux. C'est DJ Kai, c'est Mister You, bombé par le Renard Q. De Marrakech à Bollywood, Casanegra, Brésil de Hood. DJ Case, le projet Paris, Oran, New York à l'instant. Ça. Avec Mister You qu'on écoutait. Oui. Mister You qu'on invitera cette semaine, bien sûr, avant qui le week-end. Qui va passer cette semaine entre 20 et 21. C'est ça. Il y a du monde autour de la table aussi qui nous a rejoint. Bien sûr, qui nous ont rejoint. Donc il y a Fianso qui est là. L'équipage. Isno toujours là. Il y a Alrima qui est aussi sur le projet. Petite présentation d'Alrima, alors. Bien sûr. Alrima, chanteur avec son style un peu hip-hop, un peu chanté. Et c'est une nouvelle révélation. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années parce qu'il dansait à la base. C'était un danseur très grand. Très grand danseur. Ça dépend mais... à quelle heure. Ça dépend, ouais. Et bah, je vais le laisser se présenter. Hein. Ça va? Ça va, tranquille, et toi? Donc danseur avant tout. Danseur sur mes sons rebeux. Mmh. Non, c'est comme ça, j'aime bien rigoler. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Donc alors qui tu es, d'où tu viens, Alrima? Un petit CV Express, j'ai envie de dire. CV Express. Je viens du sud à la base, vers Avignon, tout ça. Et je suis monté à Paris il y a, ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant. 4-5 ans. Et voilà. Je suis un rappeur du 9-1. Non, mais t'as sorti des choses, il y a des choses qu'on peut écouter. J'ai sorti des choses. Faut taper sur YouTube Alrima. Il y a plein de choses. J'ai sorti déjà sur un projet, sur un EP. EP 8 titres. Et j'ai déjà sorti 2 extraits. Les clips sont sur YouTube. Un qui s'appelle Tout plié, le premier. Le deuxième, Michael Kors. Et donc voilà, c'est lourd. On est allé aux États-Unis, on a tourné des clips et. Voilà, c'est le feu. Et bon, on pourra t'écouter en live d'ici quelques minutes. Oui, il a fait un son dans mon projet avec un featuring avec Clayton Hamilton. Ah, il est lourd le son. T'as percé. Ah, il est violent. Pur son. Il a percé. Il a fait un clip aux États-Unis là, c'est super. Validé par Farid et Oussama qui sont là aussi. Ah, je valide d'arriver. Ouais. Voilà, il est lourd. C'est les frères, c'est les frères. Et dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? On attaquera live. Il y a OR aussi au lieu de. Et OR, les frangins qu'on va aussi. Voilà. Là, on va faire un live mix DJ avec les morceaux respectifs et les artistes qui vont poser sur leurs morceaux. Et bah, c'est dans un instant. On va se faire ça bien. C'est dans un instant, mais juste avant, je vous présente RJD de Poitiers. Salut RJD. Salut, ça va, bonsoir. Ça va en pleine forme? Ouais, en pleine forme. Hein. Et bah, bienvenue RJD de Poitiers. Merci beaucoup. Tu es prêt, RJD, maintenant? Je suis prêt. Le freestyle par téléphone, on t'écoute mon pote, c'est parti. Ok. RJD. En attendant BDNL volume 1. Cette ignorance schizophrène. Dans ce bas monde, y'a beaucoup de problèmes. Je rappe ma vie, c'est pas un film. Je suis comme tant d'autres, j'essaie de m'en sortir malgré toute cette haine qui se sème dans nos vies. Rarement le sourire, car mon vécu m'a pas appris à devenir un con. Je donne ma parole seulement au vrai, car y'a trop de primards. Je débarque seulement pour faire du sale. Comme Zig Zig, je vais pas me lamenter. Mon passé m'a pas fait de cadeau. Je me suis endurci comme il faut. Je suis fier de ce que je suis. Le rap me sert en tant qu'apaisement. C'est qu'une manière d'exprimer. Y'a beaucoup de misère dans le monde. Regarde les générations passées, y'a toujours autant de mort, et la plupart sont pas expliqués. Je regarde droit devant, je recule jamais. La vie est dure à vivre, y'a des choix à faire, donc pas le temps de traîner. Le temps est compté, je préfère mourir digne que de crever en étant un lâche. Les médias font beaucoup de mixage, trop ça monte des stories, mais n'assume pas ce qu'ils ont commis. Trop de coupage en montage, les vérités sont cachées. L'œil du mensonge, c'est pour ceux qu'on oublie. Alors que certains que je connais ont plus de talent que ceux que tu vois à la TV. C'est la survie, le jour comme la nuit, c'est toujours la même chose. Prends devant vos lois, je trouve des gros joints toniques, parfumés au blunt cerise. Je m'évade avec de la bonne weed de Meda. Dédicace à Skyrock qui m'a laissé croquer sur cet instru là. Yes, RJD à l'instant, merci à toi RJD. Aïe aïe aïe. Pas de la famille. Bravo. On est là, merci, merci. T'as personne qui Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Où est-ce qu'on peut te suivre? RJD officiel, YouTube RJD So. Voilà. Et eh ben voilà. J'ai pas trop de bien connexion, Inch'Allah ça se fera par le futur. Et donc RJD, allez cliquer et suivez-le du côté de Poitiers. Merci la famille. Merci à toi RJD. Merci à vous. Si Skyrock. Ciao ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock. Entre 20 et 21, c'est le Planète Rap consacré au Paris Euro New York. Ils ont ouais. Parti. Eh oui, là on va se faire un petit 15-20 minutes de freestyle. De freestyle sur les sons principalement qui sont sur donc il y aura du Farid Oussama. Ouais, non, pas freestyle mais ils vont interpréter leurs titres. D'accord. Il y aura OR aussi. C'est ça. Dans quelques minutes, il y a Alrima, Fianzo et Isno aussi qui est là. Et bon, on y va coup d'envoi, c'est parti. Je crois que j'ai oublié personne. C'est moi ça. Fianzo, il est hal. J'ai fait le fou, crête sur le parking, ouvre le coffre sur la table, sur le phaser posé. Toutes les ambiances de l'été, mon frère. Tous les mecs sont les partis. Pas d'humeur sur la piste. J'ai des caries à sauter. Les darons galeries. Fini les gosseries. Ce soir, tu deviens un homme, les années passées cognent. J'ai terminé les conneries. J'suis dans les parages. J'ai fait un carnage. C'est les bails des Arabes quoi. Yep, yep. Ah. Isno c'est comment? Y'a Samira dans le fond, j'ai besoin d'un coup de bol. Les potes au fond des pattes, fin que les mariés la coupe. Casse pas de danse dans le rond, perds pas la cadence dans le son. Hey, viens, on est tous un peu algériens dans le fond. Justin, Rico, parle pas de ça. Dans la techno sur du pic à fond. Parle pas de ça. Y'a le bateau, y'a que des avions. Parle pas de ça. Parle pas de ça. Parle pas de ça. Zone 4. Wesh Bachim. OR, OR, OR. OR dans la place. OR dans la place. Tu me casses un peu au max, Mashallah. Une entrée dans le bar total ce soir. Là, viens t'asseoir là où ça m'en est pas. Là, profite-en, mais si c'est pas correct, c'est pas là. Je fais pour un zone père, Mima. J'en parle en temps poteau chez moi, pas de cinéma. Et si cette gars tu m'appelles, tu me connais, je suis pas bilingue, je parlerai pas chinois. Une entrée remarquée, tous les regards braqués. Ils se demandent c'est qui celui-là. On arrive écarté, avec mon équipe de Dart élevé dans ces cils-là. Dans la boîte, Mima me guette, on visse à des nids, me jeu, j'ai des bouts de grenadine, j'achète Mima. C'est pour moi, j'étais une là, j'étais out of villa et haché. Mima rembobine la cachette Mima. Même y'a pas de meuf pour retracer. Tiens c'est dans la boule à facette. Mima. Et les bouts ça sent la faussette. Possette. Fausse meuf que je tape la disque à cause de Mima. Oublie tout. Viens Batin. Pas de meuf. Wenou. Viens. Pas de Freshma. Sorti du coin. Sorcier. Conseil. Mais toi. Se dépêche avant que les frères s'attachent. Alléluia, la malade dans le valeur. Si tu connais, même ta copine me connaît. Pourquoi cacher la vérité quand t'es vraiment gêné? Faut pas tenter de freiner, faut retourner s'entraîner. Tout soudé jusqu'à s'entraider. Mima. Pas longtemps, j'suis dans mes affaires VIP ou glingue à sa ferme. Des bonbons, n'oublie pas le Mima. La malade, tu chantes du refrain ou se fait rentrer. L'équipe s'agère et j'me barre en bas, c'est casse-pé. Des billets de 500 en cachette, même y'a pas de me pour retracer. Tiens, c'est dans la boule à passer. Tini pousse ça sur la faussette. Possède, fausse meuf que j'ai appris à discuter à cause d'elle. Mima. Ah, ça tu vois, tu stones, DJ Kai, c'est Argenté. DJ K sur Skyrock. DJ K. Oublie tout. Viens, pas une, pas de meuf relou. Viens, pas de hachma. Sors du coin. Sors ce conseil. Mets-toi bien. Yaston, ça on jette ouais, le métal de la zone. Eh, c'est un freestyle inédit. Ah ouais, mon freestyle inédit. Même toi, tu l'as pas écouté. Vous inquiétez pas, les gars, on va pas tarder, y'a les devoirs à faire. Inquiétez pas, les gars, on va pas tarder, y'a les devoirs à faire. Inquiétez pas, les gars, on va pas tarder, y'a les devoirs à faire. Devoirs à faire. Y'a les devoirs à faire. Les devoirs à faire. Tout le monde est dans la zone. Même toi, Fred, tu l'as fait. Dans la zone. Faites-moi peur. Restez à 10 000, je vais te répondre franchement. Garde les 10 000, il va te faire un album. Je représente ma ville, argentin et allemand. Stade de Germanie, c'est sans doute mon côté allemand. Allemand, allemand, allemand. Je rêve tous du Banks. Faut dire, faut pas les anneaux, mais t'as zéro day. Un rappeur, ça se rappelle tout d'abord. Un rappeur, ça se rappelle dans les temps. Tiens que moi, pas tes côtés. À ce que tu voulais me sauter. Mauvaise idée. À ton idée, t'as renié. Dès que t'as su tous les gars de mon côté. T'inquiète, gros, je t'assure, tu me crois pas, sur la tête de ton côté. Qu'est-ce que tu me parles de Nike, Adidas, le sponsor, c'est mon ennemi. Alléluia, aussi t'as mis le plan, alléluia. Et pourtant, je te préviens, au cas où y'a un gamos de haut de gamme, pas très loin, y'a tout. Mais t'as pas des sortes, ceux qui font, font, font. On est tous obsédés par les ronds, ronds, ronds. T'as que je n'ai pas rapport à vous que toi et toi et toi. J'aurais pu vous en foutre un terminé, qu'est-ce qu'il y a? Fais du bruit pour eux. Chez moi, la plaque est maudite, encadré OG. Pourquoi quand tu rappes tu fais des caprices? Non, non, je suis encore team, mais là, je là. J'ai mis le nez, tu vois que plus là. Là, gros, t'as capté. La surface est millimétrée, donc t'as raté. Quand c'est la street, on est dans tes cannes. Bouge les épaules, ça te fera ta gueule. Toujours en pack, aimer les cases à son gang. Tiens, on m'écoute le bilan, c'est après. Où c'est ma, c'est ma. Ding, ouvre la bagnole. Où c'est ma, c'est ma. Je te dis, gros, ta grognole. Ding, ding, ouvre la bagnole. Je te dis, ta grognole. C'est pour DJ Kays. Pony 2015. Ouais. OR sur Skyrock. Ouais, je parie de Oussama. Ouais, big up OR. Ok, ici les frères. Yeah, yeah, gros big up OR. DJ Kays, Paris 2015. Ton style, c'est une fortune. On fait comme moi. Ouais, ouais, ouais, DJ Kays. C'est Oussama et Farid. Excuse-moi de te déranger, est-ce que je suis pas en train de faire la merde? Ouais, vite fait. Un peu. Ok, écoute. We're gonna get sit down, we're gonna get beat down. We're gonna get beat down, sit down. We're gonna get shit down, get down. We're gonna get pissed down. Comme ça, tu dis de la merde. Depuis quand tu chantes en anglais, toi? My name is Oussama. Tu dis de la merde, en fait. I know. On fait des sons pour rigole. Toujours dans la décolle. Quand c'est l'été sur l'école. Y'a des fous, y'a des folles. C'est Oussama et Farid. Ça pour rigoler sans déconner, t'es étonné quand j'en t'ai à voler. Comédien, je vous mets la volée. Ha ha! Comédien, je vous mets la volée. Ha ha! Allez, allez. allez je me calme, je m'arrête là. J'suis censé faire des blagues, moi, bah tu peuras. J'veux la villa Ariana. À toi y'a Farid qui me rionnait. Rien à foutre, faut pas nous prendre au sérieux. J'sors dans la piscine en saut périlleux. Dinar que mon équipe est précieuse. J'me taille dès que j'peux avec mes rebeux. J'me tape des barres quand on s'balade. On fout l'hella avec Oussama. On changera pas même si ça m'a. Toujours la famille, partout dans les rangs, DJ Kay. Je veux des mains vite dans tous les pays. Paris de Oussama le 24 juillet. Moi je t'ai rangé, aïe aïe aïe. DJ Kay, Paris en New York, c'est dans les packs. Va te chercher. C'est ton mariage aujourd'hui. Tu as oublié ou quoi? Isno, la famille. Oussama, il s'est Oussama, DJ Kay. Souffle, dédicace à Souffle. De bon matin, je vois un gros bordel. Je vois ma mère courir partout avec son funnel. Je vois tout le monde s'exciter, hommes et femmes bien habillés. À ce qui paraît, je vais me marier. La chétane, laissez-moi me casser. Au début, je me suis dit que c'était une petite blague. C'est ce que j'entends ma mère me dire. Oussama, où est-ce que t'as mis la bague? Non, Yema, j'ai pas l'âge pour ça. Et là, je commence à stresser en me demandant ce qui s'est passé. Et en plus, pour la dot, moi, j'ai même pas assez. Je dois avoir du euro caché sous le canapé. Oh oui, j'ai pas de smoking. Je vais arriver, ils vont tous moquer. Mais bon, Merli, c'est le mariage dérangé. J'ai la dalle, on va tous se mettre à table. DJ Kays, Paris en New York 2015. Dans les packs, c'est sur iTunes. Rachid Bina, LG 586. Dose Life, disponible sur iTunes. 24 cartes. Hey. Aujourd'hui, Psaha, c'est le mariage d'Oussama. Se marier, lui. Je veux pas mal avec une Larousa. Non, jamais. Sa mère suricidée, à quoi que c'est elle qui va se marier. On entend que de Yuyu à la cité. Arrivé à la mairie pour féliciter. On voit déjà les darons bourrés. Cabriolet. J'ai vu Khadija marionner. Elle a dans les enveloppes. Tout ça m'a et Samra. 631 avec sa petite abeille. Khadi, aujourd'hui t'es super belle. Grosse dédicace à Dahmal. J'étais moche. Elle a dit la taille, tu es jaloux. Elle est oui, qui est une harmonie. Son génie au mort. Elle est oui, Paris de Oussama, la famille, le 24 juillet. Dose live, en précommande sur iTunes. Quand même les grand-mères font des selfies. À part ma femme dans la soirée, j'ai pas vu une selfie. J'arrive dans la place, j'ai pas la caisse mixée. J'suis tellement bien selfie, j'vois tout le monde me fixer. J'vois des femmes s'appeler pour des bouteilles de jus. J'aime pas si, j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Y'a aussi une petite danse comme une abeille. Avec mes sahabs sur la piste, on est tous nous nez. Petite pas danse avec ma femme sur la piste. Même si t'es pas invité, y'a ma baby. Y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. J'suis marié, mesdames et messieurs. J'vois le daron Oussama qui gratte des cadeaux. Allez, sortez les couteaux, on va couper les gars. Attends, les gars, sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. Voilà le gâteau, sortez les couteaux, la pièce montée, on va la démonter. DJ Kays, Paris en Europe, c'est le dans les packs, sur iTunes, va le chercher. Y'a l'Hbiba, tous live, les commandes sur iTunes, va le chercher aussi. انا وياك يا حبنتي انا وياك يا حبنتي يا حبنتي لوغ لوغ لوغ الريما ديسپونيب سير ايتيوب ريتون هاميلتون جوستون ريكو يا باريس اوران نيويورك نيويورك او ايما بيلا او ايما بيلا بوتو او ايما بيلا او ايما بيلا بوتو Cet été, je suis pas à la décide. Je cherche une femme imbécile. Algérienne, marocaine, je vois un missile. Ou une Tunisia, j'aime aussi. J'en ai marre du célibat. Donc je vais dans une j'ai qui paye pas. Et je veux une pom pom pom pom pom qui danse comme une Shaouia. Et je veux une pom pom pom pom pom qui danse comme une Shaouia. Elle me rend fou. Elle me rend fou, la nanana. Elle me rend fou. Elle me rend fou, la nanana. Elle me rend fou. Elle me rend fou, la nanana. Oh yeah, ouais. La nanana. je tournais. Tu vas pas me gratter, je te connais. Toi, je connais bien ton passé, me la fais pas. Tu vas pas me gratter, je te connais. Toi, je connais bien ton passé, me la fais pas. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Elle me rend fou. Rachid Bina, Belgique, 5436. Et qui plus j'y RS Business, lourd, RS 9, Ramadi, ZZ. On est Al, Bang Bang, Bori, Pesca, tout, Pelé, Samba. Tima LM, on est ensemble, merci à tous. Voilà, Tima, sale. Voilà, on est tous là. LM a foutu le feu. Wouh. Ah. Yeah. Isno, la famille. À ce que je dis, faut la motivation. Ah. Absolument urgent pour les prochaines générations. Yeah, yeah. Comme ça que je puise mon énergie love pour devenir un number one. Alors, vous faites le pari que j'y arrive un minimum si j'essaye. Je suis sans limite, je vous prouverai pas le contraire. Y'a de l'ambiance dans tous les endroits où. Donc, are you ready quand je cause à un public sur scène? Je suis comme un chef leader. Je dégomme tout, je fous le bordel, c'est la fille. Quand je vois vos sourires sans peine sur le visage de leader, je dégomme, je fous le bordel. Manigance. Il flotte pas back door. J'suis plutôt ma fille, ça tient puis plutôt back door. Ah. Yeah, yeah. Comme ça que j'puise mon energy love pour devenir le number one. Screech. En me disant ça, j'vous fais le pari que j'y arrive un minimum. Si j'suis sans limite, j'vous prouverai pas le contraire. Y'a de l'ambiance dans tous les G-K's endroits. Skyrock fait du bruit dans la famille. Yeah. J'suis comme un chef leader. J'fous le bordel, c'est la fille. Quand je vois vos sourires sans peine sur vos visages de leader, comme tout, j'fous le bordel, c'est la fille. Manigance, Abder 45-45 Storm, j'ai Ritza, Orléans, Ritza, Ritza, Ritza. Alors écoutez la Ritza, famille, c'est elle au quotidien. A tous ceux qui sont dans les studios de Skyrock, Storm, j'ai Paris, Oran, New York, Ritza. Justin Rico, Rachid, VLG, Lina, Lourdeur, Isno, c'est la famille. Aïe, aïe, aïe, dédicace, aïe, aïe, aïe. Skyrock, Momo, Skyrock. À l'instant, en live, Isno, ouais, cette version, et cette version de Homie en français à l'instant. Merci la famille. On a laissé petite touche de douceur pour la fin. Voilà, pour la fin, sinon on peut saluer aussi OR qui était là aussi. C'est OR. Ronny, j'ai dit, ils ont fait du sale, argentin. Mon gars, Ronny. Bravo à Farid et Oussama qui étaient aussi en live dans l'émission. Bravo à monsieur Al Rima qui était là aussi avec vous. En live et bravo à Case qui était au petit. On a oublié. On a oublié. Du bruit pour Paris, New York. Case, le meilleur album de l'été, tu l'auras. Eh Fred, t'as oublié Fianso. T'as oublié Fianso. J'allais y venir. J'allais y venir. Rachid, tu peux pas. Voilà, je peux pas. Et il y avait aussi Fianso qui était avec nous en live. Sur le projet Paris, Oran, New York. Tu voulais ajouter quelque chose? Je te vois. Non, c'est bon. Rien à ajouter. Merde. Moi, j'ai envie de rajouter un truc. Vas-y. L'album Toast Life était en fréquemment direct. C'était la petite blague du soir. C'était demain, on en attend d'autres aussi. Demain, entre 20 et 21. Merci à vous tous. Voilà, merci à DJ Case. Merci à DJ Case. Aujourd'hui, il a mis ça au. Alrima et OR. Et avant de se quitter, on fait tourner la roulette maintenant. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Louise d'Ambreville, ça va bien Louise? Salut! Ça va en pleine forme? Ouais. I met une fesse! Bienvenue Louise, de quoi Louise? Merci! I met une super ambiance, c'est génial! C'est vrai, t'es bien, tu passes une bonne soirée? Ah, a priori, elle a passé une bonne soirée, Louise. Allô, ouais, Louise. Ouais. Tu es prête à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti? Ouais, je suis prête, on y va! Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti! Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Eh ben, c'est le parc Astérix pour toi, les 4 passes pour aller directement. Allez, génial. On va aller choper, on va aller pécho le parc Astérix avec mes copines. Tu vas pouvoir faire la fête avec tes copines, rencontrer Astérix, Opélix et tout ce qui finit en X. Je te fais un bisou. Ciao, ciao. Bisous, salut. Passe une bonne soirée, merci, Case. Ok, Case est parti aussi. D'être parti entre 20 d'être passé entre 20 et 21. En tout cas, voilà, on a passé une super bonne petite heure. Là, il reste encore demain, après-demain et vendredi. Et jusqu'à vendredi aussi. Voilà, c'est ça. Donc l'album, il est dans les bacs. Il y a 31 titres inédits avec la crème du rap français. Il y a de la comédie, il y a des chanteurs, des chanteuses, du rail, il y a de tout. L'album pour la route du bled, c'est dispo. Donc allez le pécho pour ceux qui l'ont pas encore. L'album est super lourd. Il a 7 balles sur iTunes et 10 balles dans les bacs. C'est le moment jamais de cliquer. C'est ça. Merci à toi, Case. Merci à vous tous. On va retrouver Difool toute l'équipe. Qui possède la radio libre. Oui, il est le contrôle de la table de mixage ce soir. Difool, c'est quand que je refais un mix chez toi là? Difool DJ sur Skyrock, il va falloir que tu viennes. Oui, déjà oui. Est-ce que vous avez fait un clash de DJ entre Difool? Qu'est-ce que tu nous fais comme mix? On fait ça quand? On va réfléchir à un bon truc là. On va réfléchir à un bon truc là. Non, mais cool, il n'y a pas de problème. Gros clash en prévision. Ah, des clashs, on a. Est-ce que tu sais que Difool a eu combien de trophées au DMC? Une bonne cinquantaine. Ah, bah au moins. L'année dernière, je me souviens, en fait, j'avais fait mixer Romano, je crois. Ah ouais, exactement. J'avais fait un entraînement de mix avec Romano. Viens nous voir avant les vacances. Je vais venir vous voir. Ben oui. On installe les platines, tu nous fais un mix de ouf et on va faire ça. Et on termine, on termine la saison comme ça. Attention, il y aura le clash avec DJ Roro. Qui gagnera? Qui remportera le trophée? Fais gaffe, Kaiz, c'est chaud, DJ Roro, il y a du niveau. Tu m'étonnes. Mais Roro, je vois plus son ambianceur quand tu mixes Difool. Ouais. Tu trouves? Oui, je pense qu'il peut ambiancer tes mix. DJ Roro, que vous retrouvez le vendredi matin sur Skyrock, y compris pendant l'été, y compris dans le best-of de tu as par du exemple morning. Kaiz en ambianceur, il a Isno qui est là. Donc je pense que tu peux le. On peut faire une big soirée de Une big soirée, je pense qu'il peut y avoir un concept. Eh ben ça va être beau, tiens. Marie s'occupera du bar. Ouais, ça pas de problème. De la soirée. Ouais, voilà. Et je veux bien te filer un coup de main aussi, Marie. Je sais bien, Fredo. Pas de problème. Bon, ok, ça s'organise. Fredo bar. Dis donc, quelle grande soirée on prépare. Keizo platine. Romano et Romano, pareil, en ambianceur, ça peut être pas mal. Bon, avant ça, il y a quand même demain à pas louper. Demain et jusqu'à vendredi aussi. Et jusqu'à vendredi sur Skyrock, à pas louper. 20h, 21h, c'est Planète Rap et c'est en direct. Nous aussi, on est en direct jusqu'à minuit. D'ailleurs, dès maintenant, on lance le top. Si vous voulez passer à l'antenne, si vous voulez faire les cons avec nous, si vous avez un truc à dire, allez-y. Il y a un message qui arrive déjà. Mademoiselle Linou, ils ont tout déchiré avec leur freestyle dans Planète Rap. Ah, quelqu'un qui est content du Planète Rap de ce soir. Avec OR qui était là notamment pour la partie freestyle. Ah, et ben on va suivre ça d'ici minuit. Ouais. Sur Skyrock, il va se passer d'autres choses. Quoi donc? On a les nouveaux bugs à découvrir. Pas mal. Des choses plus croustillantes. Il y a des choses peut-être encore plus croustillantes. On va voir ça. Et un petit Nekfeu à écouter là dans un instant. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, c'est bien Nekfeu. Ouais. C'est parti. Nekfeu, il arrive juste après la pub. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Salut Fred. Ciao. Et Radio Libre, c'est parti. Cette année, le Morning de Difool.